Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 15 février 2021. Voici les grands titres de cette grande édition. Tous les percepteurs de taxes communales en mairie de Bujumbura sont suspendus dès aujourd'hui. Ainsi en a décidé le ministre de l'Intérieur. Séance tenante ce lundi d'une réunion avec les intervenants dans ce secteur. Vous entendrez les précisions du porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Et le Sénat burundais exprime ses regrets de voir les députés européens faire la sourde oreille aux avancées du Burundi en matière de respect des droits de l'homme, alors que même la communauté internationale a pris des mesures visant la levée des sanctions. Voilà le point sur ce sujet. Et des propriétaires de parcelles au quartier Kigeri Mitterrand de la zone Ngagara en mairie de Bujumbura ont fait un sit-in ce lundi devant le cabinet du ministre de la Justice. C'était pour réclamer la restitution de leur terrain octroyé à d'autres personnes par le ministère en charge de l'équipement. Et dans la chronique sportive comme tous les lundis, aujourd'hui nous parlons de l'organisation des compétitions de tennis de table en mairie de Bujumbura. Rebonjour. Le Sénat burundais regrette qu'une quarantaine de députés européens ne tiennent pas compte des avancées du Burundi en matière des droits de l'homme. Dans une déclaration sortie en fin de semaine dernière par cette institution parlementaire, ces élus du peuple ont rappelé des mesures prises par la communauté internationale pour lever les sanctions contre le Burundi. Ces députés européens ont fustigé des violations des droits de l'homme toujours d'actualité au Burundi. On fait le point avec Francine Ndihokubgayo. Entre autres initiatives de la communauté internationale en faveur du Burundi, le retrait du Burundi sur l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies, la levée des sanctions contre le Burundi par l'Organisation internationale de la francophonie, énumère la Chambre haute du Parlement burundais. Ainsi, les sénateurs burundais demandent à ses élus européens de considérer les performances positives enregistrées par Gitega sur le plan sécuritaire, politique et des droits de l'homme. Cette déclaration signée par le sénateur Emmanuel Sinzohageda, président du Sénat, se félicite de la situation sécuritaire et politique qui s'est nettement améliorée. Selon ces parlementaires, c'est l'heure maintenant au développement et la coopération économique dans le strict respect de la souveraineté des États. Citant la constitution de la République du Burundi, le Sénat burundais souligne que la souveraineté appartient au peuple et qu'aucune partie du peuple, aucun individu, en l'occurrence les 43 députés européens, ne peuvent s'en attribué. Dans la correspondance des députés européens envoyée aux hauts représentants de l'Union européenne aux affaires étrangères, ils ont mentionné que les violations des droits de l'homme continuent au Burundi, contrairement aux principes démocratiques prévus par l'accord de Cotonou en son article 96. Ils ont également souligné que la reprise du dialogue et de la coopération entre le Burundi et l'Union européenne ne peut pas être envisagée aussi longtemps que le gouvernement burundais n'aura pas fait preuve d'amélioration de la situation des droits de l'homme au Burundi. Le gouvernement burundais et l'Union européenne ont entamé des pourparlers le 2 février courant afin de renormaliser les relations bilatérales qui ne sont pas au bon fixe depuis mars 2016. Francine Ndihokubgayo, je vous l'avais dit dans les titres, tous les percepteurs de taxes communales en mairie de Bujumbura sont suspendus dès aujourd'hui, comme l'a décidé le ministre de l'Intérieur. Séance tenante ce lundi au cours d'une réunion avec les intervenants dans ce secteur. Le ministre, ayant aussi en charge le développement communautaire, met en garde certains chefs de zone et des commissaires de marché qui entravent la perception des taxes municipales en mairie de Bujumbura. Le ministre Gervais Ndirakobucha a déclaré qu'au cours de la semaine témoin en mairie de Bujumbura, 121 millions de francs burundais ont été collectés, dépassant ce qui était perçu. Il a en outre révélé que certains intérêts privés sont satisfaits au détriment des intérêts communs, raison pour laquelle les percepteurs durant la semaine témoin ont été intimidés. Suivez les précisions de Pierre Mourikiye, c'est le porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. À l'issue de la semaine, il y a des résultats très encourageants qui ont été constatés avec un constat de 121 millions en seulement une semaine qui ne parvenaient pas au compte de la mairie. Et donc le ministre a alors décidé d'organiser aujourd'hui une réunion de toutes les personnes qui sont impliquées dans les finances de la mairie. Et après ce constat alarmant du vol des recettes de la mairie. Il a été décidé que les anciens percepteurs des recettes de la mairie sont suspendus de l'exercice de cette activité à partir d'aujourd'hui même. Eh bien, les responsables ont été invités à les retirer tout ce qui les caractérisait comme percepteurs, notamment l'uniforme, notamment les badges, et ils doivent attendre la décision future. Quid de la sécurité de ces nouveaux percepteurs, puisqu'il a été dit qu'il y avait des gens à qui servaient leurs propres intérêts? C'est pourquoi dans la réunion, il avait été invité le chargé de la sécurité de la police au niveau de la mairie. Mais aussi, vous avez constaté que le commissaire régional de police de la région ouest était ici. C'était justement pour parler aussi de la sécurité des nouveaux percepteurs. Nous avons entendu qu'ils subissaient parfois des menaces de la part des anciens percepteurs, ces voleurs-là. Et la question de la sécurité a été analysée. On va essayer de faire le tout possible pour qu'ils soient sécurisés. Et le ministre a averti, a mis en garde les anciens percepteurs et probablement les complices qui menaceraient encore une fois ces nouveaux percepteurs. Et que deviennent ces anciens percepteurs? Seront-ils traduits devant la justice pour crimes financiers? Ils sont toujours, pour le moment, la mairie va continuer à les gérer conformément à leur contrat. Et s'il s'avère qu'il y aurait des infractions qu'ils auraient commises, eh bien, les instances en charge des enquêtes vont faire leur travail. Pierre Mourikiye, porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Parlons toujours finances communales avec cette contribution sollicitée pour financer les activités de l'Université de Mwaro. Prosper Bazombanza, vice-président à Burundi, natif de Mwaro, dit que chaque commune s'est engagée à contribuer à hauteur de 60 millions de francs burundais d'ici le 1er mars de cette année pour redresser cette université de Mwaro. Suivez le vice-président de la République, Prosper Bazombanza. Nous devons cet élément sonore à nos confrères de la Radio Nationale. Nous avons insisté particulièrement sur la situation qui prévaut aujourd'hui à l'université de Mwaro. Cette université qui a déjà 20 ans d'existence parce qu'elle a été créée en 2001 et qui a déjà sorti beaucoup de lauréats. Nous avons donc estimé que nous devrions revisiter les textes qui régissent cette université parce qu'au départ, elle était université communautaire et par après, en 2018, elle a basculé sous une appellation d'université privée mais qui n'a pas produit beaucoup d'effets escomptés. Et c'est pour cela que nous avons jugé bon que l'aspect communautaire, l'aspect d'inclusivité soit très visible au niveau des textes qui régissent l'université. Et donc cela a été acté par tous les natifs. Et demain, ça sera pour les présenter à qui de droit pour en prendre acte. Deuxièmement, comme toutes les communes, comme tous les natifs, comme tous les opérateurs se sentent directement impliqués aujourd'hui à soutenir leur université, il a été convenu que toutes les communes puissent participer à hauteur d'au moins 60 millions qui seront cotisés par les opérateurs économiques, par les fonctionnaires, par les militaires, les policiers, bref, toute la population, pour que chaque commune puisse disponibiliser dans un délai très court d'ici le 1er mars un montant de 60 millions par commune. Nous en avons 6. Et donc un montant de 360 millions est attendu pour le soutien à l'université de Mwaro afin qu'elle puisse fonctionner dans de bonnes conditions. Prosper Bazombanza, vice-président de la République du Burundi et natif de la province de Mwaro. Vous saurez qu'il y a eu une réunion des natifs de cette Mwaro ce dimanche et un des points à l'ordre du jour, c'était, vous venez de l'entendre, de revoir les textes régissant cette université de Mwaro pour la rendre plus communautaire et inclusive. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Deux personnes et cinq vaches sont mortes foudroyées sur la colline Mukaka, en zone Buhoro de la commune Mabayi, dans la province Chibitoke. Une autre a été blessée au cours de fortes pluies tombées ce dimanche, qui a également causé d'autres dégâts matériels, comme la destruction de quatre salles de classe et une dizaine de maisons. L'administrateur de la commune Mabayi déclare avoir commencé l'inventaire des dégâts pour faire rapport à ses supérieurs. Entre-temps, Nicodème Ndahabonimana demande à sa population de s'entraider en attendant l'intervention des bienfaiteurs extérieurs à la commune. On parle toujours intempéries. Les activités scolaires sont paralysées au quatrième cycle de l'école fondamentale de Kibangu. C'est sur la colline Rouché-Meza de la commune et province de Bururi. À l'origine, des tôles servant de couverture aux trois classes de ce cycle ont été endommagées lors des pluies torrentielles tombées l'après-midi de ce dimanche, selon la directrice de cette école qui demande à l'autorité communale de s'investir pour la renormalisation de la situation. Jean-Pierre Misako. Les 134 élèves des classes de 7e, 8e et 9e à l'école fondamentale de Kibangu, 6 sur la colline Rouché-Meza, en commune Bururi, ont trouvé ce lundi matin uniquement les murs et une partie de la charpente de leur salle de classe. C'est après que les tôles servant de toiture à leur salle de classe eurent été endommagées lors des pluies torrentielles tombées dans cette localité, selon Annette Ndairolere, directrice de cette école. Selon elle, une solution provisoire est de rendre disponibles trois salles dans l'urgence afin de permettre la continuité des cours au quatrième cycle. Et c'est dans les trois premiers cycles que ces salles de classe devront être trouvées, selon son responsable scolaire qui indique que la double vacation devra provisoirement être instaurée dans les niveaux qui auront cédé momentanément les locaux au quatrième cycle. Dans ces conditions, les leçons ne sont plus dispensées comme avant, et à Annette Ndairolere de demander à ses supérieurs d'agir pour renormaliser la situation. Richard Hatungimana, directeur communal de l'éducation à Bururi, informe qu'il va soumettre la question à l'administration communale pour intervenir. C'est dans ces mêmes conditions que des champs de maïs, de bananiers, de patates douces et de colocases dans les environs de cette école ont été endommagés par la grêle. Et les cultivateurs contactés qui espéraient une bonne récolte, notamment pour le maïs, déchantent. Jean-Pierre Misago, depuis Bururi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Et pour être complet sur ce dossier, deux maisons de la commune de Boutézi, l'école fondamentale de Boutézi 2, l'église pentecôte de Boutézi et des maisons d'habitation des particuliers, dont l'effectif total n'est pas encore connu, ont été privés de toiture par une pluie mêlée d'un vent violent qui s'est abattu sur différentes collines de la commune de Boutézi dans cette nuit de dimanche à lundi. Dominique Bahora, administrateur de la commune de Boutézi, qui donne ces informations, fait aussi savoir que la ligne électrique qui alimente le centre de Boutézi a été coupé suite à la chute de pas mal de poteaux. Cette autorité administrative communale précise en outre que la délocalisation des services communaux touchés est problématique puisque la commune était déjà confrontée à une insuffisance de bâtiments. Isanganiro. Sit-in ce lundi au bureau du ministère de la Justice des propriétaires de parcelles au quartier Kigeri Miteramo de la zone Ngagara à mairie de Bujumbura. Ils réclament des terrains octroyés au privé par le ministère ayant l'infrastructure et l'équipement dans ses attributions. Le ministère de la Justice affirme reconnaître ce dossier et Gervais Hajayandi, secrétaire permanent à ce ministère, leur fixe 3 jours pour étudier ce dossier. Omer Douayo. Tuko twamaze imyaka 75 irenga tugomba tuje he mu gihugu cy'amavuko. Twa twahora turima twahora twigisha abantu abana bicaye mu. Cette propriété conflictuelle s'étend du bassin d'épilation de Buterere bordé par la route allant vers le lieu communément appelé Chanique d'une superficie d'environ 1 km². Plus de 750 familles estiment que cette propriété leur appartient. Le matin de ce lundi, les membres de ces familles ont observé en sit-in devant le ministère de la Justice. Il s'indigne des travaux en cours sur ces terrains alors que le procès reste pendant devant la justice. Le ministre des Infrastructures, c'est lui qui a amené ces personnes étrangères et leur a donné l'autorisation de construire, disant qu'ils avaient demandé cette autorisation depuis longtemps et que même le procès avait été gagné. Nous voudrions demander si ce procès est celui qui nous concerne ou bien si c'est un autre procès que le ministre a tenter en justice. Comment se fait-il qu'ils amènent ces personnes pour construire alors qu'ils ne nous montrent pas une décision de justice allant dans ce sens? Est-ce que la justice pourrait-elle nous cacher cette décision et revenir par après, nous annoncer que le verdict n'est pas encore été prononcé, qu'on nous éclaire? clair sur ce cas. Le ministère est au courant de la situation, dit Gervais Hajayandi, secrétaire permanent au sein de son ministère, qui appelle la population à patienter durant 3 jours, le temps d'apporter une solution à ce problème. C'est un dossier qui concerne peut-être beaucoup de monde, sont venus demander ici de dossier qui se trouve ici. Comme il s'agit d'un dossier technique, on leur a demandé un petit délai pour qu'on puisse traiter le dossier. Après, on va leur donner une réponse adéquate. C'est après la réponse peut-être qu'on va savoir la suite. On leur a donné un délai de 3 jours, c'est-à-dire qu'ils vont retourner le jeudi pour avoir la réponse du dossier. Satisfaction chez les membres des familles lésées qui espèrent un dénouement positif. C'était un reportage d'Omer Ndouayo. Toujours dans l'actualité nationale, les habitants d'Okajeke en commune Provence Boubanza qui se comptent de 42 ménages se lamentent qu'ils n'ont pas eu d'indemnisation pour les terrains cédés afin d'y réaliser les travaux de construction du barrage hydro et agricole d'Okajeke. Ils déplorent aussi le fait que les mêmes terrains sont en train d'être exploités par la commune Boubanza actuellement. Ce lundi, les représentants de ces habitants d'Okajeke se sont rendus à la direction provinciale de l'agriculture pour réclamer cette indemnisation. De son côté, Willy Ndaïkeza, directeur de la DPAE Boubanza, explique que ces personnes ont eu d'autres terrains en échange et que personne n'a le droit d'exploiter ces terrains à part les travaux de construction du barrage. Space Caritas Kabanyana pour les détails. Ce lundi matin, une délégation de ses habitants de Kajeke s'est rendue à la direction provinciale de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Boubanza pour réclamer leur indemnisation. Au total, ils se comptent à 42 ménages. Ils ont été expropriés des terrains qu'ils exploitaient depuis longtemps, comme ils le disent, une superficie de 10 hectares pour céder l'espace aux travaux de construction du barrage hydro-agricole de Kajeke. Ils réclament l'indemnisation pour les terrains et déplorent le fait que les mêmes propriétés sont en train d'être exploitées actuellement par d'autres personnes. Willy Ndaïkeza, directeur à la DPAE Boubanza, explique que personne n'a le droit d'exploiter ces propriétés et que les travaux de construction du barrage de Kajeke vont bientôt commencer. Par contre, Olive Nionguru, administrateur de la commune Boubanza, affirme que ces terrains constituent actuellement des champs d'expérimentation pour la culture du maïs au compte de la commune. Le directeur à la DPAE Boubanza, de même que l'administrateur de Boubanza, tous convergent sur le fait que ces habitants de Kajeke ont reçu l'indemnisation. Ils ont eu des terrains à Kifukwe, en commune Mbanda, équivalent à ceux qu'ils ont cédés. Il ne reste que l'indemnisation des cultures qui s'y trouvaient, comme ils le disent. Spécialitas Kabanyana, Boubanza, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique sport. Et la chronique sportive d'aujourd'hui, nous parlons de l'organisation des compétitions de tennis de table en mairie de Bujumbura. Jean de Dieu Nirenganya, président de l'association de tennis de table en mairie de Bujumbura, explique que les compétitions commencent dans les clubs où les 4 premiers joueurs s'affrontent dans le championnat organisé par l'association de tennis de table. Marie-Claire Cazenet. L'association de tennis de table en mairie de Bujumbura possède 8 clubs fonctionnels dont chaque club est subdivisé en 5 catégories de joueurs. Cela est dit par Jean de Dieu Nirenganya, président de tennis de table en mairie de Bujumbura. L'association de tennis de table en mairie de Bujumbura, ATTM en sigle, est organisée en club. Nous avions 11 clubs à l'époque, mais pour le moment nous avons 8 clubs qui sont fonctionnels. Et chaque club aussi est subdivisé en catégories de joueurs. Il y a les catégories minimes ou sous-cadets qui sont de moins de 13 ans, les cadets qui sont entre 13 ans à 15 ans, les juniors de 16 ans à 18 ans, les seniors de 19 ans et plus. Et nous avons aussi une catégorie des vétérans qui sont entre 35 et plus. Ici, il nous parle l'effectif de club de tennis de table en mairie de Bujumbura. Et nous avons les clubs qui sont affiliés à l'association en mairie de Bujumbura. Nous avons le club Amigo, le club CTT de Charama, le club des champions, le Morningstar, Turbo, Lions, Muzinga, Inori et Rumuri. Ce président de l'association de tennis de table en mairie de Bujumbura fait savoir que ces clubs s'affrontent entre eux et les 4 premiers valident le billet de participer dans le championnat organisé par l'association. Chaque club organise une compétition au sein du club et l'association aussi organise une compétition inter-club entre les clubs. Donc l'association met un calendrier comment les clubs vont se rencontrer à la fin pour qu'on puisse organiser une compétition au sein de l'association et chaque club sera représenté représentés par 4 joueurs et par catégorie. C'est-à-dire par catégorie des sous-cadets, les minimes, par catégorie des cadets, les juniors, les seniors et les vétérans. On respecte le genre, les filles à part et les garçons à part. Les clubs classés premiers dans ce championnat reçoivent différents prix selon toujours Jean Dodieu Nirenganya. Lorsqu'il y a une compétition, il y a des prix qui sont déterminés. Donc les 4 premiers de chaque catégorie bénéficient des prix. Et au niveau aussi de l'association, c'est comme ça. Donc les 4 premiers de chaque catégorie, catégorie garçon, catégorie fille, là aussi on considère les 4 premiers par association et par club. Dans la prochaine chronique sportive, ce président de l'association de tennis de table, Henri de Bujumbura, expliquera sur les critères de participer dans le championnat national, ainsi que le règlement régissant le transfert des joueurs de tennis de table. Marie-Claire Kazeneza est dans l'actualité internationale en bref. Le Zimbabwe a reçu ce lundi matin sa première livraison de 200 000 doses du vaccin chinois COVID-19 Sinopharm. 600 000 autres doses du vaccin ont été achetées par le gouvernement zimbabwéen. Elles arriveront au début du mois prochain. Le plan de déploiement du gouvernement donne la priorité aux travailleurs de première ligne, à savoir les professionnels de santé et les agents d'immigration qui travaillent aux frontières. Seront donc les premiers vaccinés. Et 3 ans après la tuerie du lycée de Parkland en Floride, qui a fait 14 victimes, Joe Biden s'est exprimé sur le sujet très controversé aux États-Unis des armes à feu et appelle le Congrès à une réforme. Mais les démocrates détiennent désormais une très courte majorité au Sénat, mais ils auront besoin d'au moins 10 républicains pour faire adopter ces lois, ce qui semble actuellement difficile. Il est 13h17 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Innocent pour la mise en onde au micro. Jean Bosco Ndouimana, passez un très bon après-midi. Au revoir.